Mais un bruit courait. C'est mademoiselle Cachelin elle-même qui les a voulu ainsi. C'était dans son testament. Dès le lendemain, Cachelin reprit son service, et le sable, après une semaine d'indisposition, revint à son tour, un peu pâli, mais assidu et zélé comme autrefois. On eût dit que rien n'était survenu dans leur existence. On remarqua seulement qu'il fumait avec ostentation de gros cigares, qu'il parlait de la rente, des chemins de fer, des grandes valeurs, en hommes qui ont des titres en poche, et on sut, au bout de quelque temps, qu'ils avaient loué une campagne dans les environs de Paris pour y finir l'été. On pensa, ils sont avares comme la vieille, ça tient de famille, qui se ressemble, ça semble. N'importe, ce n'est pas chic de rester au ministère avec une fortune pareille. Au bout de quelque temps, on n'y pensa plus, ils étaient classés et jugés. Quatrième partie. En suivant l'enterrement de la tante Charlotte, le sable songeait au million, et, rongé par une rage d'autant plus violente qu'elle devait rester secrète, il en voulait à tout le monde de sa déplorable mésaventure. Il se demandait aussi « Pourquoi n'ai-je pas eu d'enfant depuis des ans que je suis marié ?» Et la crainte de voir son ménage demeurer stérile lui faisait battre le cœur. Alors, comme le gamin qui regarde au sommet du mât de cocagne haut et luisant la timbale à décrocher, et qui se jure à lui-même d'arriver là à force d'énergie et de volonté, d'avoir la vigueur et la ténacité qu'il faudrait, le sable prit la résolution désespérée d'être père. Tant d'autres le sont, pourquoi ne le serait-il pas lui aussi? Peut-être avait-il été négligent, insoucieux, ignorant de quelque chose par suite d'une indifférence complète. N'ayant jamais éprouvé le désir violent de laisser un héritier, il n'avait jamais mis tous ses soins à obtenir ce résultat. Il y apporterait désormais des efforts acharnés. Il ne négligerait rien, et il réussirait, puisqu'il le voulait ainsi. Mais lorsqu'il fut rentré chez lui, il se sentit mal à son aise, et il dut prendre le lit. La déception avait été trop rude, il en subissait de contre-coup. Le médecin jugea son état assez sérieux pour prescrire un repos absolu, qui nécessiterait même ensuite des ménagements assez longs. On craignit une fièvre cérébrale. En 8 jours cependant, il fut debout et il reprit son service au ministère. Mais il n'osait point, se jugeant encore souffrant, approcher de la couche conjugale. Il hésitait, tremblait, comme un général qui va livrer bataille, une bataille dont dépendait son avenir. Et chaque soir, il attendait au lendemain, espérant une de ces heures de santé, de bien-être et d'énergie, où on se sent capable de tout. Il se tâtait le pouls à chaque instant, et le trouvant trop faible ou agité, prenait des toniques, mangeait de la viande crue, faisait avant de rentrer chez lui de longues courses fortifiées. Comme il ne se rétablissait pas à son gré, il eut l'idée d'aller finir la saison chaude aux environs de Paris. Et bientôt, la persuasion lui vint que le grand air des champs aurait sur son tempérament une influence souveraine. Dans sa situation, la campagne produit des effets merveilleux, décisifs. Il se rassura par cette certitude du succès prochain, et il répétait à son beau-père, avec des sous-entendus dans la voix, « Quand nous serons à la campagne, je me porterai mieux, et tout ira bien. » Ce seul mot de campagne lui paraissait comporter une signification mystérieuse. Ils louèrent donc dans le village de Beson une petite maison, et vers tous trois y logeaient. Les deux hommes partaient à pied, chaque matin, à travers la plaine, pour la gare de Colombes, et revenaient à pied tous les soirs. Cora, enchantée de vivre ainsi au bord de la douce rivière, allait s'asseoir sur les berges, cueillait des fleurs, rapportait de gros bouquets d'herbes fines, blondes et tremblotantes. Chaque soir, ils se promenaient tous trois le long de la rive jusqu'au barrage de la Morue, et ils entraient boire une bouteille de bière au restaurant des Tilleuls. Le fleuve, arrêté par la longue file de piquets, s'élançait entre les joints, sautait, bouillonnait, écumait, sur une largeur de 100 mètres, et le ronflement de la chute faisait frémir le sol, tandis qu'une fine buée, une vapeur humide flottait dans l'air, s'élevait de la cascade comme une fumée légère, jetant aux environs une odeur d'eau battue et une saveur de vase remuée. La nuit tombait. Là-bas, en face, une grande lueur indiquait Paris et faisait répéter chaque soir à Cachelin « Hein ? Quelle ville tout de même !» De temps en temps, un train passant sur le pont de fer qui coupe le bout de l'île faisait un roulement de tonnerre et disparaissait bientôt, soit vers la gauche, soit vers la droite, vers Paris ou vers la mer. Il revenait à pas lents, regardant se lever la lune, s'asseyant sur un fossé pour voir plus longtemps tomber dans le fleuve tranquille sa molle et jaune lumière qui semblait couler avec l'eau et que les rides du courant remuaient comme une moire de feu. Les crapauds poussaient leurs cris métalliques et courts. Des appels d'oiseaux de nuit couraient dans l'air. Et parfois, une grande ombre muette glissait sur la rivière, troublant son cours lumineux et calme. C'était une barque de maraudeurs qui jetait soudain l'épervier et ramenait sans bruit sur leur bateau, dans le vaste et sombre filet, leurs pêches de goujons luisants et frémissants, comme un trésor tiré du fond de l'eau, un trésor vivant de poissons d'argent. Cora, émue, s'appuyait tendrement au bras de son mari, dont elle avait deviné les desseins, bien qu'ils n'eussent parlé de rien. C'était pour eux comme un nouveau temps de fiançailles, une seconde attente du baiser d'amour. Parfois, il jetait une caresse furtive au bord de l'oreille, sur la naissance de la nuque, en secouant un charmant de chair tendre où frisent les premiers cheveux. Elle répondait par une pression de main, et ils se désiraient, se refusant encore l'un à l'autre, sollicités et retenus par une volonté plus énergique, par le fantôme du million. Cachelin, apaisé par l'espoir qu'il sentait autour de lui, vivait heureux, buvait sec et mangeait beaucoup, sentant naître en lui au crépuscule des crises de poésie, cet attendrissement nié qui vient au plus lourd devant certaines visions des champs, une pluie de lumière dans les branches, un coucher de soleil sur les coteaux lointains, avec des reflets de pourpre sur le fleuve. Et il déclarait, « Moi, devant ces choses-là, je crois à Dieu. Ça me pince là. » Il montrait le creux de son estomac. « Et je me sens tout retourné. Je deviens tout drôle. Il me semble qu'on m'a trempé dans un bain qui me donne envie de pleurer. » Le sable, cependant, allait mieux, saisi soudain par des ardeurs qu'il ne connaissait plus, des besoins de courir comme un jeune cheval, de se rouler sur l'herbe, de pousser des cris de joie. Il jugea les temps venus. Ce fut une vraie nuit d'épousailles. Puis ils eurent une lune de miel pleine de caresses et d'espérance. Puis ils s'aperçurent que leur tentative demeurait infructueuse et que leur confiance était vaine. Ce fut un désespoir, un désastre, mais le sable ne perdit pas courage. Il s'obstina avec des efforts surhumains. Sa femme, agitée du même désir et tremblant de la même crainte, plus robuste aussi que lui, se prêtait de bonne grâce à ses tentatives, appelait ses baisers, réveillait sans cesse son ardeur défaillante. Ils revinrent à Paris dans les premiers jours d'octobre. La vie devenait dure pour eux. Ils avaient maintenant aux lèvres des paroles désobligeantes. Et Cachelin, qui flairait la situation, les harcelait d'épigrammes de vieux troupiers envenimés et grossières. Et une pensée incessante les poursuivait, les minait, aiguillonnait leur rancune mutuelle, celle de l'héritage insaisissable. Cora, maintenant, avait le verbe haut et rudoyait son mari. Elle le traitait en petit garçon, en moutard, en homme de peu d'importance. Et Cachelin, chaque dîner, répétait, « Moi, si j'avais été riche, j'aurais eu beaucoup d'enfants. Quand on est pauvre, il faut savoir être raisonnable. » Et se tournant vers sa fille, il ajoutait, toi, tu dois être comme moi, mais voilà. » Et il jetait à son gendre un regard significatif, accompagné d'un mouvement d'épaule plein de mépris. Le sable ne répliquait rien. Mon homme supérieur tombé dans une famille de rustres. Au ministère, on lui trouvait mauvaise mine. Le chef même un jour lui demanda « N'êtes-vous pas malade ? Vous me paraissez un peu changé. » Il répondit « Mais non, cher maître, je suis peut-être fatigué. J'ai beaucoup travaillé depuis quelque temps, comme vous avez pu le voir. » Il comptait bien sur son avancement à la fin de l'année, et il avait repris dans cet espoir sa vie laborieuse d'employé modèle. Il n'eut qu'une gratification de rien du tout, plus faible que toutes les autres. Son beau-père Cachelin n'eut rien. Le sable frappait au cœur, retournant retrouver le chef, et pour la première fois il appela « Monsieur ». « À quoi me sert donc, monsieur, de travailler comme je le fais si je n'en recueille aucun fruit ?» La grosse tête de M. Torchebœuf parut froissée. « Je vous ai déjà dit, monsieur le sable, que je n'admettais point de discussion de cette nature entre nous. Je vous répète encore que je trouve inconvenante votre réclamation, étant donné votre fortune actuelle, comparée à la pauvreté de vos collègues. » Le sable ne put se contenir. « Mais je n'ai rien, monsieur. Notre tante a laissé sa fortune au premier enfant qui naîtrait de mon mariage. Nous vivons, mon beau-père et moi, de nos traitements. » Le chef surpris répliqua. « Si vous n'avez rien aujourd'hui, vous serez riche dans tous les cas, au premier jour, donc cela revient au même. » Et le sable se retira, plus atterré de cet avancement perdu que de l'héritage imprenable. Mais comme un Cachelin venait d'arriver à son bureau, quelques jours plus tard, le beau Maz entra, avec un sourire sur les lèvres. Puis Pitelet parut, l'œil allumé. Puis Boissel poussa la porte et s'avança d'un air excité, ricanant et jetant aux autres des regards de connivence. Le père Savon copiait toujours, sa pipe de terre au coin de la bouche, assis sur sa haute chaise, les deux pieds sur le barreau, à la façon des petits garçons. Personne ne disait rien. On semblait attendre quelque chose, et Cachelin enregistrait les pièces en annonçant tout haut, suivant sa coutume, Toulon, fourniture de gamelles d'officier pour le Richelieu. Lorient, scaphandre pour le Dessé. Brest, essai sur les toiles à voile de provenance anglaise. Le sable parut. Il venait maintenant chaque matin chercher les affaires qui le concernaient, son beau-père ne prenant plus la peine de les lui faire porter par le garçon. Pendant qu'il fouillait dans les papiers étalés sur le bureau du commis d'ordre, Maz le regardait de coin en se frottant les mains. Et Pitelet, qui roulait une cigarette, avait des petits plis de joie sur les lèvres. Ces signes d'une gaieté qu'il ne se peut plus contenir. Il se tourna vers l'expéditionnaire. « Dites donc, papa Savon, vous avez appris bien des choses dans votre existence, vous. » Le vieux, comprenant qu'on allait se moquer de lui et parler encore de sa femme, ne répondit pas. Pitelet reprit. « Vous avez toujours bien trouvé le secret pour faire des enfants, puisque vous en avez eu plusieurs. » Le bonhomme releva la tête. « Vous savez, monsieur Pitelet, que je n'aime pas les plaisanteries sur ce sujet. » J'ai eu le malheur d'épouser une compagne indigne. Lorsque j'ai acquis la preuve de son infidélité, je me suis séparé d'elle. Maz demanda d'un ton indifférent, sans rire. Vous l'avez eu plusieurs fois, la preuve, n'est-ce pas ? Et le père Savon répondit gravement. Oui, monsieur. Pitelet reprit la parole. Cela n'empêche que vous êtes père de plusieurs enfants. 3 ou 4, m'a-t-on dit. Le bonhomme, devenu fort rouge, bégaya. Vous cherchez à me blesser, monsieur Pitelet, mais vous n'y parviendrez point. Ma femme a eu en effet 3 enfants. J'ai lieu de supposer que le premier est de moi, mais je renie les 2 autres. Pitelet reprit. Tout le monde dit en effet que le premier est de vous. Ça suffit, c'est très beau d'avoir un enfant. Très beau et très heureux. Tenez, je parie que le sable serait enchanté d'en faire un seul, comme vous. Cachelin avait cessé d'enregistrer. Il ne riait pas, bien que le père Savon fût sa tête de turc ordinaire et qu'il eût épuisé sur lui la série des plaisanteries inconvenantes au sujet de ses malheurs conjugaux. Le sable avait ramassé ses papiers, mais sentant bien qu'on l'attaquait, et voulait demeurer, retenu par l'orgueil, confus et irrité, et cherchant qui donc avait pu leur livrer son secret. Puis le souvenir de ce qu'il avait dit au chef lui revint, et il comprit aussitôt qu'il lui faudrait montrer tout de suite une grande énergie s'il ne voulait point servir de plastron au ministère tout entier. Boissel marchait de long en large en ricanant toujours. Il imita la voix enrouée des crieurs des rues et beugla. « Le secret pour faire des enfants, 10 centimes, 2 sous. Demandez le secret pour faire des enfants, révélé par Monsieur Savon, avec beaucoup d'horribles détails. » Tout le monde se mit à rire, hormis le sable et son beau-père. Épitolé, se tournant vers le commis d'ordre, « Qu'est-ce que vous avez donc, Cachelin ? Je ne reconnais pas votre gaieté habituelle. On dirait que vous ne trouvez pas ça drôle que le père Savon ait tué un enfant de sa femme. Moi, je trouve ça très farce, très farce. Tout le monde n'en peut pas faire autant. » Le sable s'était remis à remuer des papiers, faisait semblant de lire et de rien entendre. Mais il était devenu blême. Boissel reprit avec la même voix de voyou. « De l'utilité des héritiers pour recueillir les héritages. 10 centimes, 2 sous, demandez !» Alors Baz, qui jugeait inférieur ce genre d'esprit, et qui en voulait personnellement à Le Sable de lui avoir dérobé l'espoir de fortune qu'il nourrissait dans le fond de son cœur, lui manda directement. « Qu'est-ce que vous avez donc, Le Sable ? Vous êtes fort pâle. » Le Sable releva la tête et regarda bien en face son collègue. Il hésita quelques secondes, la lèvre frémissante, cherchant quelque chose de blessant et de spirituel, mais ne trouvant pas à son gré, il répondit « Je n'ai rien. » Je m'étonne seulement de vous voir déployer tant de finesse. » Maz, toujours le dos au feu et relevant de ses deux mains les basques de sa redingote, reprit en riant. « On fait ce qu'on peut, mon cher. Nous sommes comme vous. Nous ne réussissons pas toujours. » Une explosion de rire lui coupa la parole. Le père Savon, stupéfait, comprenant vaguement qu'on ne s'adressait plus à lui, qu'on ne se moquait pas de lui, restait bouche béante, la plume en l'air, et Cachelin attendait, prêt à tomber à coups de poing sur le premier que le hasard lui désignerait. Le sable balbutia « Je ne comprends pas, à quoi n'ai-je pas réussi ?» Le beau Maz laissa retomber un des côtés de sa redingote pour se friser la moustache, et d'un ton gracieux « Je sais que vous réussissez d'ordinaire à tout ce que vous entreprenez, donc j'ai eu tort de parler de vous. D'ailleurs, il s'agissait des enfants de Papa Savon et non des vôtres, puisque vous n'en avez pas. » Or, puisque vous réussissez dans vos entreprises, il est évident que si vous n'avez pas d'enfant, c'est que vous n'en avez pas voulu. » Le sable demanda rudement « De quoi vous mêlez-vous » Devant ce ton provoquant, Maz à son tour haussa la voix. « Dites donc, vous, qu'est-ce qui vous prend? Tâchez d'être poli, vous aurez affaire à moi. » Mais le sable tremblait de colère et perdant toute mesure. « Monsieur Maz, je ne suis pas comme vous un grand fat ni un grand beau, et je vous prie désormais de ne jamais m'adresser la parole. Je ne me soucie ni de vous ni de vos semblables. » Et il jetait un regard de défi vers Pitolet et Boissel. Maz avait soudain compris que la vraie force est dans le calme et l'ironie. Mais blessé dans toutes ses vanités, il voulut frapper au cœur son ennemi. Et reprit d'un ton protecteur, d'un ton de conseiller bienveillant, avec une rage dans les yeux. « Mon cher Le Sable, vous passez les bornes. Je comprends d'ailleurs votre dépit. Il est fâcheux de perdre une fortune et de la perdre pour si peu, pour une chose si facile, si simple. » « Tenez, si vous voulez, je vous rendrai service là. Moi, pour rien, en bon camarade. Cela fait 5 minutes. » Il parlait encore. Il reçut en pleine poitrine un crié du père Savon que le sable lui lançait. Un flot d'encre lui couvrit le visage, le métamorphosant en nègre avec une rapidité surprenante. Il s'élança, roulant des yeux blancs, la main levée pour frapper. Mais Cachelin couvrit son gendre, arrêtant à bras le corps le grand Maz, et le bousculant, le secouant, le bourrant de coups, il le rejeta contre le mur. Maz se dégagea d'un effort violent, ouvrit la porte et cria vers les deux hommes « Vous allez avoir de mes nouvelles !» et il disparut. Pitelet et Boissel le suivirent. Boissel expliqua sa modération par la crainte qu'il avait dû de tuer quelqu'un en prenant part à la lutte. Aussitôt rentré dans son bureau, Maz tenta de se nettoyer, mais il n'y put réussir. Il était avec une encre à fond violet, dite indélébile et ineffaçable. Il demeurait devant sa glace, furieux et désolé, et se fronta la figure rageusement avec sa serviette roulée en bouchon. Il n'obtint qu'un noir plus riche, nuancé de rouge, le sang affluent à la peau. Boissel et Pitolet l'avaient suivi et lui donnaient des conseils. Selon celui-ci, il fallait se laver le visage avec de l'huile d'olive pure. Selon celui-là, on réussissait avec de l'ammoniaque. Le garçon de bureau fut envoyé pour demander conseil à un pharmacien. Il rapporta un liquide jaune et une pierre ponce. On n'obtint aucun résultat. Maz, découragé, s'assit et déclara « Maintenant, il reste à vider la question d'honneur. Voulez-vous me servir de témoin et aller demander à Monsieur Le Sable soit des excuses suffisantes, soit une réparation par les armes. Tous deux acceptèrent, et on se mit à discuter la marche à suivre. Ils n'avaient aucune idée de ces sortes d'affaires, mais ne voulaient pas l'avouer. Et préoccupés par le désir d'être corrects, ils émettaient des opinions timides et diverses. Il fut décidé qu'on consulterait un capitaine de frégate, détaché au ministère, pour diriger le service des charbons. Et ils n'en savaient pas plus qu'eux. Après avoir réfléchi, il leur conseilla néanmoins d'aller trouver le sable et de le prier de les mettre en rapport avec deux amis. Comme ils se dirigeaient vers le bureau de leurs confrères, Boissel s'arrêta soudain. Ne serait-il pas urgent d'avoir des gants ? Pitolet hésita une seconde. Oui, peut-être, mais pour se procurer des gants, il fallait sortir, et le chef ne badinait pas. On envoya donc le garçon de bureau chercher un assortiment chez un marchand. La couleur les arrêta longtemps. Boissel les voulait noirs. Pitolet trouvait cette teinte déplacée dans la circonstance. Ils les prirent violets. En voyant entrer ces deux hommes gantés et solennels, le sable leva la tête et demanda brusquement « Qu'est-ce que vous voulez ?» Pitolet répondit « Monsieur, nous sommes chargés par notre ami, Monsieur Maz, de vous demander soit des excuses, soit une réparation par les armes pour les voies de fait auxquelles vous êtes livrés sur lui. » Mais le sable, encore exaspéré, cria « Comment ? Il m'insulte et il vient encore me provoquer. Dites-lui que je le méprise, que je méprise ce qu'il peut dire ou faire. » Ben, Boissel tragique s'avança. « Vous allez nous forcer, monsieur, à publier dans les journaux un procès-verbal qui vous sera fort désagréable. » Pitolet, malin, ajouta « Et qui pourrait nuire gravement à votre honneur et à votre avancement futur. » Le sable atterré les regardait. Que faire ? Il songea à gagner du temps. « Monsieur, vous aurez ma réponse dans 10 minutes. Voulez-vous l'attendre dans le bureau de monsieur Pitolet ?» Dès qu'il fut seul, il regarda autour de lui comme pour chercher un conseil, une protection. Un duel. Il allait avoir un duel. Il restait palpitant, effaré, un homme paisible qui n'a jamais songé à cette possibilité, qui ne s'est point préparé à ses risques, à ses émotions, qui n'a point fortifié son courage dans la prévision de cet événement formidable. Il voulut se lever et retomba assis, le cœur battant, les jambes molles. Sa colère et sa force avaient tout à coup disparu. Mais la pensée de l'opinion du ministère et du bruit que la chose allait faire à travers les bureaux réveilla son orgueil défaillant, et ne sachant que résoudre, il se rendit chez le chef pour prendre son avis. M. Torcheboeuf fut surpris et demeura perplexe. La nécessité d'une rencontre armée ne lui apparaissait pas, et il songeait que tout cela allait encore désorganiser son service. Il répétait « Moi, je ne puis rien vous dire, c'est là une question d'honneur qui ne me regarde pas. » « Voulez-vous que je vous donne un mot pour le commandant Bouc ? C'est un homme compétent en la matière. Il pourra vous guider. » Le sable accepta et alla trouver le commandant qui consentit même à être son témoin. Il prit un sous-chef pour le seconder. Boissel et Pitolet les attendaient, toujours gantés. Ils avaient emprunté 2 chaises dans un bureau voisin afin d'avoir 4 sièges. On se salua gravement, on s'assit. Pitolet prit la parole et exposa la situation. Le commandant, après l'avoir écouté, répondit « La chose est grave. » Mais ne me paraît pas irréparable. Tout dépend des intentions. C'était un vieux marin sournois qui s'amusait. Et une longue discussion commença, où furent élaborés successivement 4 projets de lettres, les excuses devant être réciproques. Si M. Maz reconnaissait n'avoir pas eu l'intention d'offenser dans le principe M. Le Sable, celui-ci s'empresserait d'avouer tous ses torts en lançant l'encrier et s'excuserait de sa violence inconsidérée. Et les 4 mandataires retournèrent vers leurs clients. Maz, assis maintenant devant sa table, agité par l'émotion du duel possible, bien que s'attendant à voir reculer son adversaire, regardait successivement l'une et l'autre de ses joues dans un de ces petits miroirs ronds en étain que tous les employés cachent dans leur tiroir pour faire avant le départ du soir la toilette de leur barbe, de leurs cheveux et de leur cravate. Il lut les lettres qu'on lui soumettait et déclara, avec une satisfaction visible, « Cela me paraît fort honorable. Je suis prêt à signer. » Le sable, de son côté, avait accepté sans discussion la rédaction de ses témoins, en déclarant « Du moment que cela votre avis, je ne puis qu'acquiescer. » Et les 4 plénipotentiaires se réunirent de nouveau. Les lettres furent échangées, on se salua gravement, et l'incident vidé, on se sépara. Une émotion extraordinaire régnait dans l'administration. Les employés allaient aux nouvelles. passer d'une porte à l'autre, s'aborder dans les couloirs. Quand on sut l'affaire terminée, ce fut une déception générale. Quelqu'un dit « Ça fait toujours pas un enfant, le sable !» Et le mot courut. Un employé rima une chanson. Mais au moment où tout semblait fini, une autre difficulté surgit, soulevée par Boissel. Quelle devait être l'attitude des deux adversaires quand ils se trouveraient face à face? Se salueraient-ils? Feindraient-ils de ne pas se connaître? Il fut décidé qu'ils se rencontreraient, comme par hasard, dans le bureau du chef, et qu'ils échangeraient, en présence de M. Torchebœuf, quelques paroles de politesse. Cette cérémonie fut aussitôt accomplie. Et Maz, ayant fait demander un fiacre, rentra chez lui pour essayer de se nettoyer la peau. Le Sable et Cachelin remontèrent ensemble, sans parler, exaspérés l'un contre l'autre, comme si ce qui venait d'arriver eût dépendu de l'un ou de l'autre. Dès qu'il fut rentré chez lui, le Sable jeta violemment son chapeau sur la commode et cria vers sa femme « J'en ai assez, moi, j'ai un duel pour toi maintenant !» Elle le regarda surprise, irritée déjà. « Un duel? Pourquoi cela ?»« Parce que Maz m'a insulté à ton sujet. » Elle s'approcha. « À mon sujet? Comment ?» Il s'était assis rageusement dans un fauteuil. Il reprit. « Il m'a insulté. Je n'ai pas besoin de t'en dire plus long. » Mais elle voulait savoir. « J'entends que tu me répètes les propos qu'il a tenus sur moi. » S'abrogit puis balbutia. « Il m'a dit, c'est à propos de ta stérilité. » Elle eut une secousse, puis une fureur la souleva, et la rudesse paternelle transperçant sa nature de femme, elle éclata. « Moi? Je suis stérile, moi? Qu'est-ce qu'il en sait, ce manant-là? Stérile avec toi? Oui, parce que tu n'es pas un homme. Mais si j'avais épousé quelqu'un, n'importe qui, entends-tu, j'en aurais eu des enfants. Ah, je te conseille de parler. Ça me coûte cher d'avoir épousé un chiffre comme toi. Et qu'est-ce que tu as répondu à ce gueux? Le Sable, effaré devant cet orage, bégaya. Je l'ai souffleté. » Elle regarda étonnée. « Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il m'a envoyé des témoins. Voilà. » Elle s'intéressait maintenant à cette affaire, attirée, comme toutes les femmes, vers les aventures dramatiques. Et elle demanda, adoucie tout à coup, pris soudain d'une certaine estime pour cet homme qui allait risquer sa vie, « Quand est-ce que vous vous battez ?» Il répondit tranquillement, « Nous ne nous battons pas. La chose a été arrangée par les témoins. Maz m'a fait des excuses. » Elle le dévisagea, outrée de mépris. « Ah, on m'a insulté devant toi, et tu as laissé dire, et tu ne te bats point, et ne te manquait plus que d'être un poltron. » Il se révolta. « Je t'ordonne de te taire. Je sais mieux que toi ce qui regarde mon honneur. D'ailleurs, voici l'aide de M. Maz. Tiens, lis, et tu verras. » Elle prit le papier, parcourut, le devina tout, et ricanant. « Toi aussi, tu as écrit une lettre. Vous avez eu peur l'un de l'autre. Oh, que les hommes sont lâches. Si nous étions à votre place, nous autres. Enfin, là-dedans, c'est moi qui ai été insulté. Moi, ta femme. Et tu te contentes de cela. Ça ne m'étonne plus, si tu n'es pas capable d'avoir un enfant. Tout se tient. Tu es aussi mollasse devant les femmes que devant les hommes. Ah, j'ai pris là un joli coco. » Elle avait trouvé soudain la voix et les gestes de Cachelin, des gestes canailles, de vieux troupiers et des intonations d'hommes. Debout devant lui, les mains sur les hanches, hautes, forte, vigoureuse, la poitrine ronde, la face rouge, la voix profonde et vibrante, le sang colorant ses joues fraîches de belle fille. Elle regardait, assis devant elle, ce petit homme pâle, un peu chauve, rasé, avec ses courts favoris d'avocat. Elle avait envie de l'étrangler, de l'écraser. Et elle répéta, « Tu n'es capable de rien, de rien. Tu laisses même tout le monde te passer sur le dos comme employé. » La porte s'ouvrit, Cachelin parut, attiré par le bruit des voix, et il demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle se retourna. « Je dis son fait à ce Pierrot-là. » Et le Sable, levant les yeux, s'aperçut de leur ressemblance. Il sembla qu'un voile se levait, qu'il allait lui montrer tel qu'ils étaient, le père et la fille, du même sang, de la même race commune et grossière. Il se vit perdu, condamné à vivre entre les deux toujours. Cachelin déclara, s'il seulement pouvait divorcer, ça n'est pas agréable d'avoir épousé un chapon. Le sable se redressa d'un bond, tremblant de fureur, éclatant à ce mot. Il marcha vers son beau-père en bredouillant « Sortez d'ici, sortez, vous êtes chez moi, entendez-vous, je vous chasse !» Et il saisit sur la commode une bouteille pleine d'eau, sédative, qu'il brandissait comme une massue. Cachelin, intimidé, sortit à reculons en murmurant « Qu'est-ce qui lui prend maintenant ?» Mais la colère de Le Sable ne s'apaisa point. C'en était trop. Il se tourna vers sa femme, qu'il regardait toujours, un peu étonné de sa violence, et cria, après avoir posé sa bouteille sur le meuble, « Quant à toi, quant à toi !» Mais comme il ne trouvait rien à dire, n'ayant pas de raison à donner, il demeurait en face d'elle, le visage décomposé, la voix changée. Elle se mit à rire. Devant cette gaieté qu'il insultait encore, il devint fou. Et s'élançant, il la saisit au cou de la main gauche, tandis qu'il la giflait furieusement de la droite. Elle reculait, éperdue, suffoquant. Elle rencontra le lit et s'abattit dessus à la renverse. Il ne lâchait point et frappait toujours. Tout à coup, il se releva, essoufflé, épuisé, et honteux soudain de sa brutalité. Il balbutia « Voilà, voilà, voilà ce que c'est. » Mais elle ne remuait point, comme s'il l'eût tué. Elle restait sur le dos, au bord de la couche, la figure cachée maintenant dans ses deux mains. Il s'approcha gêné, se demandant ce qu'il allait arriver, et attendant qu'elle découvrît son visage pour voir ce qui se passait en elle. Au bout de quelques minutes, son angoisse grandissant, il murmura « Cora, dis, Cora !» Elle ne répondit point et ne bougea pas. Qu'avait-elle? Que faisait-elle? Qu'allait-elle faire surtout? Sa rage passée, tombée aussi brusquement qu'elle s'était éveillée, il se sentait odieux, presque criminel. Il avait battu une femme, sa femme, lui, l'homme sage et froid, l'homme bien élevé et toujours raisonnable. Et dans l'attendrissement de la réaction, il avait envie de demander pardon, de se mettre à genoux, d'embrasser cette joue frappée de haut. Et rouge, il toucha du bout des doigts doucement une des mains étendues sur ce visage invisible. Elle sembla ne rien sentir. Il la flatta, la caressant comme caresse un chien grondé. Elle ne s'en aperçut pas. Il dit encore « Cora, écoute, Cora, j'ai eu tort, écoute. » Elle semblait morte. Alors il essaya de soulever cette main. Elle se détacha facilement, et il vit un œil ouvert qui le regardait. Un œil fixe, inquiétant et troublant. Il reprit « Écoute, Cora, je me suis laissé emporter par la colère. C'est ton père qui m'avait poussé à bout. On n'insulte pas un homme ainsi. » Elle ne répondit rien, comme si elle n'entendait pas. Il ne savait que dire, que faire. Il l'embrassa près de l'oreille, et en se relevant, il vit une larme au coin de l'œil, une grosse larme qui se détacha et roula vivement sur la joue. Et la paupière s'agitait, se fermait coup sur coup. Il fut saisi de chagrin, pénétré d'émotion, et ouvrant les bras, il s'étendit sur sa femme. Il écarta l'autre main avec ses lèvres, et lui baisant toute la figure, il a prié « Ma pauvre Cora, pardonne-moi, dis, pardonne-moi. » Elle pleurait toujours sans bruit, sans sanglots, comme on pleure des chagrins profonds. Il la tenait serrée contre lui, la caressant, lui murmurant dans l'oreille tous les mots tendres qu'il pouvait trouver. Mais elle demeurait insensible. Cependant, elle cessa de pleurer. Ils restèrent longtemps ainsi, étendus et enlacés. La nuit venait, emplit sans d'ombre la petite chambre, et lorsque la pièce fut bien noire, il s'enhardit et sollicita son pardon de manière à raviver leurs espérances. Lorsqu'il se fut relevé, il avait repris sa voix et sa figure ordinaire, comme si rien ne s'était passé. Elle paraissait au contraire attendrie, parlait d'un ton plus doux que de coutume, regardait son mari avec des yeux soumis, presque caressants, comme si cette correction inattendue eût détendu ses nerfs et amolli son cœur. Il prononça tranquillement « Ton père doit s'ennuyer tout seul chez lui. Tu devrais bien aller le chercher. Il serait temps de dîner, d'ailleurs. » Elle sortit. Il était 7 heures, en effet, et la petite bonne annonça la soupe. Puis Cachelin, calme et souriant, reparut avec sa fille. On se mit à table et on causa. Ce soir-là, avec plus de cordialité qu'on avait fait depuis longtemps, comme si quelque chose d'heureux était arrivé pour tout le monde. 5e partie.

Ah, mais non, par exemple, on n'allait pas la chicaner maintenant, après tant de misère, de peine et d'efforts. Ah, mais non. Elle s'était assise, bouleversée par l'indignation. Allons de suite chez le notaire, dit-elle. Mais il fut d'avis de se procurer d'abord un certificat de médecin. Ils retournèrent donc chez le docteur Le Filleul. Il les reconnut aussitôt et demanda « Eh bien, avez-vous réussi ?» Et rougirent tous deux jusqu'aux oreilles. Et Cora, perdant un peu contenance, balbutia « Je crois que oui, monsieur. » Le médecin se frottait les mains. « Je m'y attendais. Le moyen que je vous ai indiqué ne manque jamais, à moins d'incapacité radicale d'un des conjoints. » Quand il eut examiné la jeune femme, il déclara « Ça y est, bravo !» Et il écrivit sur une feuille de papier « Je sous-signais docteur en médecine de la faculté de Paris. Certifie que Madame Léopold Le Sable, née Cachelin, présente tous les symptômes d'une grossesse datant de 3 mois environ. » Puis, se tournant vers Le Sable, « Et vous, cette poitrine et ce cœur ?» Il l'ausculta et le trouva tout à fait guéri. Ils repartirent, heureux et joyeux, bras à bras, d'un pied léger. Mais en route, Léopold eut une idée. « Tu ferais peut-être bien, avant d'aller chez le notaire, de passer une ou deux serviettes à la ceinture. Ça tirera l'œil, ça vaudra mieux. Il ne croira pas que nous voulons gagner du temps. » Ils rentrèrent donc et il déshabilla lui-même sa femme pour lui ajuster un flanc trompeur. 10 fois de suite, il changea les serviettes de place. Et il s'éloignait de quelques pas afin de constater l'effet, cherchant à obtenir une vraisemblance absolue. Lorsqu'il fut content du résultat, ils repartirent, et dans la rue, il semblait fier de promener ce ventre en bosse qui attestait sa virilité. Le notaire les reçut avec bienveillance, puis il écouta leur explication, parcourut de l'œil le certificat, et comme Le Sable insistait, « Du reste, monsieur, il suffit de la voir une seconde. » Il jeta un regard convaincu sur la taille épaisse et pointue de la jeune femme. Ils attendaient anxieux, l'homme de loi déclara « Parfaitement, que l'enfant soit né ou à naître, il existe. » Et il vit. « Donc, nous sursoirons à l'exécution du testament jusqu'à l'accouchement de madame. » En sortant de l'étude, ils s'embrassèrent dans l'escalier, tant leur joie était véhémente. Septième partie. Depuis cette heureuse découverte, les trois parents vivaient dans une union parfaite. Ils étaient d'humeur gaie, égale et douce. Cachelin avait retrouvé toute son ancienne jovialité et Cora accablait de soins son mari. Le Sable aussi semblait un autre homme, toujours content et bon enfant, comme jamais il ne l'avait été. Mas venait moins souvent et semblait à présent mal à l'aise dans la famille. On le recevait toujours bien, avec plus de froideur cependant, car le bonheur est égoïste et se passe des étrangers. Cachelin lui-même paraissait éprouver une certaine hostilité secrète contre le beau commis qu'il avait, quelques mois plus tôt, introduit avec empressement dans le ménage. Ce fut lui qui annonça à cet ami la grossesse de Coralie, et il lui dit brusquement « Vous savez, ma fille est enceinte. » Mas, jouant la surprise, répliqua « Ah bah, vous devez être bien heureux !» Cachelin répondit « Parbleu !» et remarqua que son collègue, au contraire, ne paraissait point enchanté. Les hommes n'aiment guère voir en cet état, que ce soit ou non, par leur faute, les femmes dont ils sont les fidèles. Tous les dimanches, cependant, Mas continuait à dîner dans la maison, mais les soirées devenaient pénibles à passer ensemble, bien qu'aucun désaccord grave n'eût surgi. Et cet étrange embarras grandissait de semaine en semaine. Un soir même, comme il venait de sortir, Cachelin déclara d'un air furieux « En voilà un qui commence à m'embêter. » Et Le Sable répondit « Le fait est qu'il ne gagne pas à être beaucoup connu. » Cora avait baissé les yeux. Elle ne donna pas son avis. Elle semblait toujours gênée en face du grand Mas, qui, de son côté, paraissait presque honteux près d'elle, ne la regardait plus en souriant comme jadis, n'offrait plus de soirées au théâtre, et semblait porter, ainsi qu'un fardeau nécessaire, cette intimité naguère si cordiale. Mais un jeudi, à l'heure du dîner, quand son mari rentra du bureau, Cora lui baisa les favoris, avec plus de câlinerie que de coutume, et elle lui murmura dans l'oreille « Tu vas peut-être me gronder. » « Pourquoi ça ?»« C'est que M. Mas est venu pour me voir tantôt, et moi, comme je ne veux pas qu'on jase sur mon compte,